بسم الله الرحمن الرحيم. أفل للحزبية يا إخوان، أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. لفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا من الأصل الأول. فما هو الأصل الأول الذي خالفه عبد الرحمن العدني هداه الله؟ الاجتماع والاتفاق. نعم، الاجتماع والاتفاق. ما الدليل على هذا الأصل؟ قول الله عز وجل: أحسنت، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما هو الدليل أو لتمونياج كنا سيتين عبد الرحمن فارق هذا الأصل أو خالف هذا الأصل؟ من يذكر من هذا؟ أن قال عبد الرحمن عدني على كمال عدني أنت مع الذي هو في الكرسي. أحسن، تفرق، لأن on est tous à Dammaj, on est tous avec le Shir. C'est la preuve, on est à Dammaj. Celui qui n'est pas satisfait, il sort. Alors, s'il veut du bien pour ses frères, il montre si on est dans un égarement. Il montre, ne vous rapprochez plus de cet homme, l'Yannaho, c'est un égaré et il nous démontre. Un mala, il le croise dans la rue, t'as changé, il est mal à Yachir, parce que tu t'es rapproché de l'Hadjouri. Donc, si je veux être bien comme tu prétends, je dois m'écarter de l'Hadjouri. Furqa. Division. Kadalik. Julus fi makan akhar al-Makhis. Ahsant, ad-Dars. Il y a une jama'a, il t'lob l'ilm. Font des efforts, Wahom, Abd al-Rahman ou Malma'a, Wahad il est dans une ghorfa, il fait des dorous. Il fait la division, l'histoire avec les Indonésiens. Des masakin, judud, ils veulent l'ilm, ils sont venus d'Indonésie jusqu'à Dammaj. Ils ne voudraient pas Dammaj, ils ne seraient pas venus à Dammaj. Il y a des autres marakis. Ils sont venus à Dammaj, ils aiment ce khay. Thumma Wahad il les emmène dans une chambre, un autre dans un champ, un autre dans une montagne, un autre. Sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'es pas d'accord, montre. Pourquoi t'as recueilli sur ces Indonésiens nouveaux et nous tu ne nous as jamais montré? Ana, mathalan, j'étais à Dammaj à cette époque. Pourquoi tu ne m'as pas montré? J'ai un haq sur toi, je suis ton frère. Ana, je suis venu, je ne savais pas. Montre-moi, dis-moi, ya fulan, ne reste pas. Et il n'y a pas que moi, on est des milliers. Je ne peux pas montrer un par un. Sors un bayan am, une malzama, ya jama'a, il faut qu'on parte tous demain. Pourquoi? Et tu nous montres, Inch'Allah, on part tous. Hada. Shikhiha Havidahullah, la fitna qu'il y avait avec le Houthi, il n'est pas parti tout seul. Il n'est pas parti tout seul. Et il n'a pas appelé un groupe avec lui. Il y avait une fitna. On n'était plus d'accord avec ce qui se passe au Nak. On ne pouvait plus tlob l'ilm. Il y a eu des affaires politiques. Shirihé, il a parlé à tout le monde sur le Kursi. Il y a Jama'a, dans 3 jours on part. Il y a Shir, pourquoi? Parce que le gouvernement ne peut plus nous protéger. Les militaires qui sont venus à Dammaj, c'est des Houthi. Et ils vont être au-dessus de nous, l'un, on ne peut plus. Les choses qu'on avait, nourriture et autres, c'est presque terminé. La meilleure solution, c'est de partir. Est-ce que quelqu'un a dit là, je reste? On est tous partis. Abd al-Rahman, il nous aurait fait Hagada. Il nous aurait dit, il aurait sorti un bayan, faut qu'on parte de Dammaj. Pourquoi? Parce que telle chose, et Allah, on prend les bus et tout le monde part. Il n'y a pas eu tout ça. Furqa, waqad, furqa, au sein du marquez. Hada al-Khulasa de tout ce qui s'est passé. Et on a rad ala les Shubuhat avec Kalam Sheikh Saïd. Ba'dahum, ils vont rejeter ces témoignages. Ba'dahum, ils vont dire, al-Ijtima' c'est un asl tayyib. Le furqa, ça contredit ce asl tayyib. Dès qu'on va lui citer les histoires qu'on vient de citer, il va dire là, Anna, j'accepte pas. Marrab, comment on répond les hadas? Shahadat al-thiqa al-maqboula. Shahadat al-thiqa al-maqboula. Ma dalil? Qala Allahu azza wa jal. Allah azza wa jal, ya ayyuhal lazina aminu, iza ja'akum. In ja'akum. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ahsant, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Aïe, c'est un fasiq. Et un fasiq, il vient avec une information, tabayyanou. Ça ne veut pas dire que tu la rejettes, tabayyan. Ça veut dire tabayyan. Regarde, est-ce que c'est haqam là? Les fasiq, il peut dire la vérité. الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في إبليس قصة حديث أبي هريرة صدقك وهو كذب. سان كذاب إلى دي لافيغيتي quand il a démontré à Abu Huraira آيات الكرسي avant de dormir. فما مفهوم الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا؟ C'est quoi le مفهوم؟ Tu comprends quoi de ce verset؟ أحسنت أن الصادق الثقة تكسب son كلام. حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين quand la Qibla la, à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام il priait à direction بيت المقدس الأقصى جيروزاليم الآن il priait هكذا le nord de Médine. ثم le verset descend sur le prophète عليه الصلاة والسلام il doit se diriger la Qibla. Le prophète عليه الصلاة والسلام il se dirige en direction de Mecca au sud de Médine. Sahabi, il fait salat avec le Nabi alayhi salam, il a entendu le hukm. Ils se sont dirigés en direction de Mecca. Sahabi rentre chez lui. Il a fait salat avec le prophète alayhi salam, il rentre chez lui. En rentrant, il trouve une jama'at sahaba qui fait salat. Ils font la direction Beit al-Maqdis, ils n'étaient pas avec le prophète, personne ne les a informés. Le sahabi, ils sont en pleine salat. Il dit, ya ayyuhal nas, j'étais avec le prophète alayhi salam et on sait tous dirigé en direction de Mecca. Il y a un verset qui est descendu. Le Beit Maqdis, c'est fini. Sahaba, tous les jama'a, ils se dirigent en direction de Mecca. Est-ce que quelqu'un a dit, mais c'est vrai, mais attends, on vérifie. Abedin. Ça, c'est quoi, ils ont accepté. Pourtant, c'est une ibadah azima et ils sont fait le salat. Ça, c'est un dalil. Qaboul khabar al-thiqa. Personne n'a dit, mais. Abedin. Ils sont tous dirigés. Et là, c'est un thiqa. Ça serait un menteur, maintenant. Ça serait wahid, il est ma'rouf bin nifaq. Et il aurait dit, ya yuhal nas, kada, Obama, personne n'aurait bougé. Il est connu, Obama, il se moque de nous. Amal al, ils ont su que c'était leur frère, un thiqa. Ils ont accepté. Kadiakul qa'il al-an, mais moi j'accepte pas, les anna, l'ulama, ils ont répondu sur le hajouri et ses suiveurs. Mada taqouloun. Fil bidaya, ma fi ala al-kalam. Ahsant, anna fil bidaya, bidat al-fitna, quand le sheikh il a montré l'égarement, le mukhalafa d'adil usul, tous, ils acceptaient. Et ils disaient que Cheikh Yahya c'est un savant. Ben ils essayaient de rassembler. Ça montre que Cheikh Yahya c'est un fiqa. Il devait accepter son qawl. Voilà. On a cité l'exemple avec Cheikh Rabi' quand il a dit Cheikh Yahya c'est un alim min ulama sunna ila akhirah. L'exemple Cheikh Mohamed l'imam, de Cheikh Bouraï, de Cheikh Somali, de Cheikh Damari. On a lu tout ce kalam. Ça implique que c'est un fiqa pour eux. Donc ils auraient dû accepter al-hukm. Si ils acceptent pas al-hukm, ils auraient dû démontrer. Mais eux ils sont entrés dans une étape de sulh. Faut rassembler. Ça n'a pas marché, l'égarement c'est l'égarement, t'es obligé de rendre. Ou alors si tu veux faire sulh, la personne qui a montré le fitna, le sulh c'est pas lui, le problème c'est pas lui, le problème c'est al-rajul il a khalif al-kitab al-sunnah, il doit faire tawba. Ah, c'est ça qu'on a sentait dans l'asl et il est muhim. Et alhamdoulilah, celui qui a compris, il y a kfi. Hakika à ce niveau là, il y a kfi. Al-rajul il n'a pas accepté. Le mashayikh ils lui ont dit, ils lui ont parlé de ce fondement, le mashayikh. Quand ils lui ont parlé du tasjil. La fitna elle est sortie d'en dessous de tes pieds, c'est ce asl. Est-ce qu'il a fait tawba? L'imam il n'y a pas eu un hukm, Allah a'lam. Mais nous, dans la haqqiqa, ça ne fait aucun mal. Nous, on a vu le dalil, on s'accroche. On s'accroche. Et le hukm, il est sawab, enfin, on le prend. Une personne qui ne le prend pas, ça ne fait aucun mal. Yom Qiyama, on ne sera jamais demandé pourquoi Cheikh Fulan, il n'a pas dit Fulan sa hizbi. Yom Qiyama, tu seras interrogé, est-ce que tu as suivi le hukm? Cheikh Fulan, chacun sera interrogé. Ce qui nous intéresse, c'est de suivre le haqq. Et on conseille celui qui ne veut pas mal d'en faire. هذا الأصل اللي طيب ويكفي. لكن إن شاء الله الآن نقرأ الأصل الثاني والثالث. Et ça va nous rajouter أكثر. اليقين أكثر et du علم أكثر في هذه المسألة. قال الشيخ أبو حاتم سعيد بن دعاس اليافعي رحمة الله عليه الأصل الثاني الولاء والبراء الضيق. الولاء والبراء الضيق أصل من أصول الدين سي الولاء والبراء كما يبقى نوز اكسبليكي لاليان سي لدو زابو أو إمي بغ الله إد تستي بغ الله عز وجل سي سا الولاء والبراء سامي هذا الولاية سامي هذا البراء يبقى ديتاي هذا عبد الرحمن العدني لا خالف سي أصل. On a déjà cité en haqiqa des exemples. Maintenant, qui c'est qui est avec nous? C'est avec le hajouri, t'as changé. Haqiqa, son wala et son bara, il n'est plus lillah. Il y a des mas'ala. Normalement, elle t'a, tu dois détester ou écarter une personne qui s'écarte du haq. أو كي سرابروش دو باطل. أما هو لا سيتي تو أوتور دو الحجوري. مثلا نحن أون سيزيلاف أون سيغابروشي دو لوي أون إتيدي شي لوي سيلي على حق يا أوكان مال. بل سي فو كي نوز أبلي هذا يفو إتيدي شي لي سافون يفو طلب العلم يفو الآن أون لا في سي با ميان. لماذا؟ Tu dois nous montrer l'imada. Al-Hajouri, tu dois nous montrer qu'il est à la batil. Montre. Vous avez déjà entendu Abdurrahman Al-Adani montre Al-Hajouri, il est à la batil. Le seul kalam qu'il a dit, c'est j'ai jamais vu un plus grand menteur, un plus grand. Hatta al-Mashayikh minhum al-Bura'in taqad ali. Hada. Amma huwa al-Am. Il a eu un wala et un bara dhayyiq. Il était restreint sur certaines choses. T'es avec Al-Hajouri, t'es contre moi. T'es contre Al-Hajouri, t'es avec moi. Al-Dalil ala hada, kadalik. C'est l'histoire avec Yassine Adani. Yassine Adani, c'est un munharif, c'est un mudbir. Il avait des problèmes avec Abdurrahman. Quand il a su qu'Abdurrahman a des problèmes avec Cheikh Yahya, ils se sont rassemblés. L'Ouala, il est sur quoi? Sur Bourd Foulan. Pas sur le Haq. Pas sur le Haq, l'Ouala ou al-Bara. Là, vu qu'on a le même ennemi, on se rassemble, même si on n'est pas d'accord. C'est ça l'Ouala ou al-Bara ou al-Dayyir. Et ça, c'est min abraz sifat al-Hizbiyyin. Les frères musulmans, ils ont le wala ou le bara d'ayyik sur leur chir, sur leur afkar. T'es d'accord avec lui, ou alors t'es un nusrani, il te rapprochera. Les hadal, tu trouves, des min al-a'za, les membres de leur jam'iyya, leur groupe, il y a des nasara. Les hadal, le wala ou le bara, il est d'ayyik. Quand tu réponds pas à mes erreurs, on se rassemble. Rafid. هكذا منهم يا دي من اليهود دي جويف مع الروافد كما تعلمون في إيران لأن لي غروب زيغاريس هكذا. أما أهل السنة لا الولا والبراء على الحق قال حق تافيك مو طب الحق شو تكعب دمو. فلهذا توت سي فرق يكومبات أهل السنة والجماعة لأنهم يسوا على الحق. قال الشيخ سعيد نحن هنا سيت ان بريف ابيرسو الآن يفا ديتايي هو قال معنى الولاء والبراء. قال المقصود بالولاء التحاب والموجب للتقارب والاجتماع والاتفاق في الدين والاعتقاد والتناصر والتعاون. هذا تعريف طيب. اولا tu remarques اخي الكريم ان الولاء والبراء y a un lien avec l'اجتماع. Si tu te rassembles, tu vas te rassembler avec les personnes que tu aimes. Les deux fondements ils se suivent. هذا الترتيب الطيب. اولا الاجتماع va impliquer الولاء اي التحاب. قال المقصود بالولاء التحاب أي سمي في الله عز وجل. الموجب للتقارب ستام كالكان سوف أمبليكي كتو ترابخوش خد لي. لماذا؟ لأن تلام لأنه إلي على الحق et tu veux te rassembler avec lui sur ce حق. قال للتقارب والاجتماع والاتفاق في الدين. Vous avez remarqué que ce rassemblement il est في الدين et cet amour il est في الدين. Pas à certaines personnes, le rassemblement il est fondé sur dunya. Tu lui donnes de l'argent, il se rassemble. Tu lui donnes plus, il se sépare. C'est sur un fikr. C'est ça ce qu'on appelle dayyik. Amma nahlou, il n'est pas dayyik. Ahl sunna. Al-wala wal-bara, il est lillah. Amma dayyik, c'est tu le restreins. Il n'est plus pour Allah, il est sur une chose précise. Qala, wa tanasur wa ta'awun. Tanasur, kadalik, ça va impliquer hada. Ça c'est muhim. Tu ne sors ton frère. Ton frère, il a un problème. واحد اللي بده مال بغير حق واحد اللي انجست انفير لوي تنصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس في الصحيح انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال والتعاون كذلك tu t'entraides avec ton frère خاصه il se rassemble avec toi sur ce حق il veut ce حق تعاون معه كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال والبراء ça c'est الولاء معروف. Ils le traduisent par alliance لكن انت الولاء يكفي que la définition elle est واضحه. Le mieux, on répète, nahnou, le mieux c'est d'employer des mots arabes. Pas besoin de dire l'alliance et les deux aveux. Ah, ce kalam, il n'est pas. Al-wala ou al-bara. Hatta les frères qui ne comprennent pas l'arabe, tu peux employer ce mot-là. Tu dis al-wala ou al-bara. Pas besoin de toujours traduire. Certains frères, ils ont besoin toujours de traduction. Al-wala ou al-bara, au lieu de dire, il connaît le mot, il dit l'alliance et les deux aveux. Là, dis al-wala ou al-bara. Al-wala, tu sais, c'est quoi, hein? Se rassembler, s'aimer, s'aider, se secourir. C'est ça al-wala. Tu dis al-wala, ahsan. قال والبراء قال المعاداة والتباغض c'est le contraire de الولاء. المعاداة c'est avoir de l'animosité. التباغض détester. المعاداة ça vient d'عدو prendre فلان comme ennemi. قال الموجب للتباعد والاختلاف والتفرق ça va impliquer si tu le détestes ça va impliquer التباعد والاختلاف والتفرق. تباعد ça vient de بعد, s'éloigner. الاختلاف الخلاف معروف. والتفرق ça vient de فرقة. Encore une fois, tu comprends, là, ce as, il est lié avec le premier. Al-ijtima, c'est lié avec al-wala. Al-tafarruq, le contrat d'al-ijtima, c'est lié avec al-bara. Qala kama dhakarahu shaykh al-islam fi qa'idatin fi al-mahabba, kama fi jami' al-rasail. Na'am, shaykh al-islam, on avait vu, min hada al-kalam, fi durus al-tawhid, dès qu'on a vu masalat al-wala wal-bara, on a vu mitla hada. Qala, wa wala'u أهل الاستقامة والتعاب في الله والتناصر والتعاون وبغض أهل الانحراف والأهوى في الله ولله أصل عظيم من أصول الدين كما دلت على ذلك النصوص المتكاثرة. C'est un أصل. S'aimer pour Allah عز وجل. Se rassembler, s'entraider. Se secourir, c'est un أصل. أصل من أصول الدين. Il va citer les أدلة. Ça nous montre que nous, on doit faire des efforts في هذا. En حقيقة, il y a du نقص, il y a du ضعف. Il y a du da'af. Tanasur, ta'awun, montrer le haq, céder, s'aimer villa, se rassembler, c'est matloub. Bel, c'est un asl min usul al-din. Qala adillat hada al-asl. Il va citer l'al et adillat. Vous avez compris l'asl. Al-wala ou al-bara. Al-wala, c'est al-mahabba, ou al-ijtima' fi din, ou al-ittifaq, ou al-tanasur, ou al-bara, c'est le contraire. Se détester, s'éloigner, il a akhir. Ça, c'est un asl. الآن بعد سيتي لدلي قال أدلة هذا الأصل قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآيات واضحات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله نعم من حاد الله Ils ne se rassembleront jamais avec une personne, il s'est écarté de ce dîn, il combat ce dîn. Il ne veut pas se rassembler avec une personne qui déteste le dîn, qui combat le dîn. Hatta si c'est un proche, comme avait l'aïa. Hatta si c'est un proche. Tu l'aimes et tu te rapproches. Ma'ah, et son hal c'est hada. Après, le mahabba tabi'iya, les parents, les proches, ma'rouf. Lakin, nous on dit, voilà où c'est un proche. Il n'a pas حق il n'a pas حق القربة هذه فلا ابدا قال وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو عدوكم اولياء نعم بل ton ولي ton proche ton allié انت c'est المؤمن الصالح قال وهو شامل لاهل الكفر واهل الاهواء والبدع نعم c'est ايات الزنغلوب الكفار لا شك ولا ريب وكذلك اهل الاهواء قال ومفهوم ذلك ثبوت المودة لأهل الاستقامة نعم tu comprends si tu dois pas te rassembler t'unir avec أهل الباطل que ça soit des كفار ou des مبتدعة ça va impliquer que tu t'entraides et tu te rassembles avec أهل الحق قال وقد قال سبحانه أما الآية elle est pas الآية هنا elle est pas apparue elle est سهل وقال قال سبحانه وتعالى قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل فلان ليس بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين البروفة صلى الله عليه وسلم الآن يمون سكي سي أولياء الله سبحانه وتعالى الصالح المؤمنين سكي سي بالحق سكي سي بالدين قال رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم معناه أي معنى الحديث إنما ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه وإن كان نسبه قريبا نعم الإمام النووي تكتب الحديث يتمنطخ أن الولاء إلي فوندي سوى الحق tu rapproches quelqu'un أنت tu l'aimes tu t'entraînes لأنه إلي على حق ولا aussi c'est il a pas de lien de parenté معك c'est ça أهل السنة قال وليس لي ولي c'est pas un ولي même si c'est il a des liens de parenté avec moi si c'est pas une personne صالح مثلا un de tes proches c'est un يهودي un نصراني un رافضي un مبتدع un معتزلي un جهمي c'est pas un ولي tu le détestes في الله عز وجل si c'est un كافر si c'est un ظالم منحرف un مبتدع tu le détestes par rapport à son égarement هذا اما le rapprocher l'aimer في الله et s'entraider avec lui ابدا بل ساعدوا تحذر منه. قال وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفي الملزمة يا أخانا خذ الملزمة معك سفي نحن ربما هنا وأنت في سوي معنا شوف كيف تستفد من الكلام. قال وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر منهن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله الولاء الآن المحبة الفوندي سيغ دين الله سبحانه وتعالى لا يحب المرء إلا لله عز وجل. قال النووي في شرحه هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. هذا الشاهد هذا أصل فوندمون parmi les fondements de l'islam الولاء والبراء. قال وجاء عند أبي داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. سأصل أونيب في الإيمان إلا لله عز وجل لا parce qu'il lui a donné quelque chose ou... لا إلا parce qu'il est à la حق إلا la personne لأن cette personne elle est à la حق. قال وأبغض لله il déteste la personne لأن la personne elle خالف الحق. Ou s'en approche, ou alors il lui donne, ou alors il essaye de se rapprocher de lui, il le déteste. C'est ça le din. C'est tout fondé sur les sentiments. Wallah, il déteste une personne, il est à la haq. Rabbama, c'est un des sababs que lui-même il connaît le haq. Il le déteste. Et il aime des personnes, ils sont pas à la haq. Lakin, dunya, de l'argent, il lui a fait un sourire. Ba'dannas, le wala al bara, wallah, il est fondé sur des sourires. Fulan lui a fait un sourire, il l'aime. Et Fulan, il lui a pas fait un sourire un jour. Il y a quelque chose, Rabbama. Tu peux pas faire des sourires tous les jours. Khalas, il y a quelque chose dans le cœur. N'a'oudou billah. C'est pas ça le din. Parce que le din, il est fondé sur le haq. Est-ce que la personne est sur le haq ou non? Ma'adannas, wahad, amoubdadi, il lui a fait un sourire, yafshel. Non, je peux pas le laisser. Il est bien, il est gentil. N'a'oudou billah. Akhi, ton din, il doit être fondé sur des fondements. Il doit être basé sur des usul. Des usul, amma, si tu viens suivre ses sentiments. C'est pas un sourire qui va te faire le mot. Il va te faire un sourire, il va enchaîner avec de l'argent, avec adab. Khalas, la personne y a dit. Tu le vois, hada fil awam masakin. L'awam masakin, rubbama, mubtadi, rentre, ikhwani, tablighi, soufi. Tu lui expliques ses égarements et tu lui dis, n'tabe. La première chose qu'il te répond, moi, il est gentil avec moi. C'est ça, din. Il est gentil avec toi. Normalement, tu veux passer din Allah avant, Coran ou Sunnah. هؤلاء يحارب القرآن يحارب السنة يحارب السلف يحارب علماء الإسلام ثم واحد تجي لا أنا ما rien fait أنا il est gentil moi il me parle je lui parle نعوذ بالله de ce din أنت انتبه ton din il est fondé sur هذا ما les sentiments ça t'attrape جدا même ton frère c'est un sunni même il t'a fait quelque chose قال ولا tu l'aimes في الله ربما un jour il a mal parlé ربما il t'a fait quelque chose ربما c'est ton frère tu trouveras très facilement tu lui pardonnes. Lien là où c'est ton frère. Tant que c'est pas lié avec Dine, bien sûr. Amma le Mubtadi, même il te montre qu'il te veut du bien ou le kafir, antabe, c'est un adou lillah, wa li rasouli, ma balouk anta. Anta, il t'approche, il essaye de te prendre avec lui faqat pour t'égarer. Amma, Allah, il est pas haoulak. S'il sait que t'es à la haq, abadan, il t'approchera. Lakin, ils ont des maqasid, ils ont mis l'hada. Or, Obama, ils égarent le plus de personnes possible dans le sunnah. فالعناية العناية بهذا الأصل والله هنا نضع في هذا الأصل un ضعف il est pas yassir la personne on se corrige tous les jours أن notre دين notre ولا notre bara il est fondé sur هذا celui qui a le حق ينصر et on le rapproche et on l'aime celui qui a le باطل on fait attention et s'il veut parvenir on l'écarte c'est ça le دين. قال وحسنه الإمام الألباني في صحيحة وذكر له شاهدا من حديث معاذ وحسنه ثم قال فالحديث بمجموع الطريقين صحيح. نعم. Dans la première, le premier isnad, ربما ينضعف. Dans le deuxième, il a cité شاهد حديث معاذ. على كل حال, الحديث il est حسن أو صحيح. قال وجاء في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعة أي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال وجبت محبتي للمتحابين فيا حديث قدسي مرفوعا أي النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله قال الله عز وجل حديث قدسي حديث معاذ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وحسنه العلامة الألباني بالمشكاة، مشكاة المصابيح. Vous avez remarqué, en Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ce rassemblement. Tazawur, aller se visiter, s'aimer, tout ça, c'est ses filles, Azza wa Jal. Tout ça, il a dit fille. Tout ça, ça doit être fille. Fille, mais le mujamala. Le mujamala, avoir plusieurs visages, là, il y a un fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un fait. Les rencontres, le tazawur, le nasa'ih, le nusra, c'est fille. Fille, Azza wa Jal. Ha'ula. Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime. Wajabat mahabbati. Ceux qui ont rassemblé hadil umur. Qala wal adilla fi bayan. Mawqi' al-hubb billah wal bughd billah wal wala wal wara billah kathira. Wa majmou' ma dhukir kafin insha'Allah fi bayan. Anna dhalik min usul al-iman. Na'am. Al-ishara huna takfi. Ishara al-Sheikh Sa'id, rahmatullah alayh, il voulait démontrer huna. Anna al-wala wal wara sa'a asl. Il nous l'a montré. كلام النووي رحمه الله عليه هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام إلى ستر أدلة من القرآن من السنة إن شاء الله نعرفها أصبح الآن أن الولى والبراسة أصل دمى إذا منتخير كلام السلف في هذا ثم إذا منتخير حال العدني عبد الرحمن par rapport à ce أصل إذا ستر des témoignages من الثقات pour montrer أن ce أصل il a été touché. Et il n'est pas revenu. Et il a été conseillé, face à impliquer Al-Hukm annahu sa'hizbi, et annahu il a khalif ce asl kadhalif. Baqi waqt la. Kanahu l'uqdahum wa l'uqdahum. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.